9-7 pour impressionner. Survêtent de l'or sur tous les colliers. Physio recale mais on persévère. Laisse rentrer le frère avant qu'il perde ses nerfs. C'est ambiance, tu connais déjà. Les deux bras croisés, tu connais le pas. Ce soir on s'illumine, s'assimile pas. Parle-nous en français, prends subliminal. On a écrit nos rêves avant de les réaliser. Apprends à nous connaître avant de nous pénaliser. Frérot, t'as mis les crocos sans les chaussettes. Ce combo c'est une mauvaise idée. Les spots scintillent, les chaînes s'abritent. Tant qu'il y a de la zik, nous on s'implique ou on s'infiltre. Hey, bon son, même les tontons dansent. Champion comme le sac champion. On va au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine. Parce que au final, on est official. Au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine. Parce que au final, on est official. Official, donc ils imitent. Bon son, de l'action, non y'a rien de fictif. On veut le big deal, défie pas l'équipe type. Ambiance, scandale, ce soir ça va faire des victimes. Hier dehors, aujourd'hui je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. J'étais dehors et maintenant je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. Comme dans Bloodsport, tous les coups sont fermés. On est déclassé, près des gaines de vermine. Aucun verre vide, tu connais le verdict. Ce soir on fout la zermie. Avec le son chez nous, quand j'arrive, ça va vite, évident. Schumacher dans le beau, idéalement. C'est nous les gentils, c'est eux les méchants. J'ai dit, c'est nous les gentils, c'est eux les méchants. On voit au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine. Parce que au final, on est official. Au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine. Parce que au final, on est official. Tous les soirs on fait la part. Tous les soirs on fait la part. Tous les soirs on fait la part. Ce soir on s'illumine. On voit au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine.